Vous écoutez la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal, mais tout d'abord, voici les titres. Le ministre Bondé de l'Intérieur demande aux partis en conflit au sein du Parti Congé National pour la Liberté de s'entendre avant la tenue du congrès extraordinaire réclamé par le président de ce parti. Adoption de l'accord de coopération militaire et technique entre le Burundi et la Russie par l'Assemblée nationale, mais certains parlementaires estiment que cet accord pourrait entraver les relations du Burundi avec les États-Unis et l'Union européenne au regard de la tension entre ces derniers et la Russie. Il s'observe des cas de vol des légumes de haricots dans le marais de Nyakijima, en commune province Ngozi. Les autorités à la base parlent du banditisme. Voilà pour le sommaire. François Kimana sur la mise en onde. Jean de Dieu et la Cosé à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour ouvrir ce journal. Le ministre Bondé de l'Intérieur demande aux partis en mésentente, on sait, du Parti Congé National pour la Liberté de s'entendre avant la tenue du congrès extraordinaire réclamé par le président de ce parti. Il le dit après qu'Agathon Gwasa ait demandé au ministre de laisser ce parti gérer ses affaires. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, Martin Iteretse affirme qu'il ne peut pas prendre position dans ces divergences, n'admettant pas que les deux partis se démettent réciproquement de leurs organes. Suivez Martin Iteretse, il est traduit en français par Alain Désiré Boukenez. Le problème réside au niveau interne. Le président du parti a suspendu de ses organes certains membres qui à leur tour l'ont suspendu. Et c'est pour cela que j'ai demandé au président de s'organiser au sein de ses organes pour que cela n'atteigne les membres. Certains signes avaient montré que la sécurité pouvait être perturbée. Et si les activités du parti CNL ont été suspendues, ce qui n'a pas été le cas pour les autres partis qui ont connu les mêmes problèmes dans le passé et même au sein du CNDD-FDD, je me dis qu'il faut que la loi soit respectée aujourd'hui. Je me suis entretenu avec le président du parti CNL en date du 4 de ce mois. Je lui ai dit, puisque vous avez des problèmes internes, mettez-vous ensemble pour que la question soit vidée avant la tenue de votre réunion. Ce qui est sûr est que chacune des deux parties avance des idées conformément au statut de leur parti. Un compromis doit être trouvé chaque fois qu'il y a cette volonté de dialoguer. La réunion projetée avec les membres du parti devra être précédée par l'entente au sein des organes dirigeants. En page économie, le Burundi se classe en dernière position en matière de transactions électroniques d'argent. Comparativement aux pays de la communauté de l'Afrique de l'Est jusqu'en 2021, cela ressort d'une étude réalisée par le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social CURDES sur l'inclusion financière. Gildas Irakoze qui a présenté l'étude suggère aux décideurs de prendre conscience des avantages du mobile money. Suivez-les. Il s'est avéré qu'au Burundi, le taux d'inclusion reste faible et cela est dû à plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi le problème d'infrastructure de télécommunication dans certains coins du pays qui ne sont pas vraiment dans certains coins du pays. Aussi, il y a le problème des services qu'on peut avoir avec le service de mobile money. Par exemple, on ne peut pas tout payer avec le service de mobile money. Cela réduit aussi l'adoption de ce mobile money. Une autre des raisons, c'est qu'il y a des problèmes d'éducation financière. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment que ce moyen existe et de la manière dont ce moyen opère. Donc, je pense dans nos études, nous avons trouvé que c'est une des contraintes qu'il y ait. Côté infrastructure aussi, l'accès à l'énergie, par exemple, est l'une des éléments qui peut promouvoir l'utilisation d'un téléphone qui est à la base, en préalable pour vraiment l'adoption du mobile money dans différents coins du pays. Nous trouvons que L'accès à l'électricité, par exemple, pourrait accroître l'adoption et l'achat des téléphones, par exemple. Et, mais aussi, il y a aussi l'élargissement de la gamme des services qu'on peut avoir avec des PMA, avec le mobile money. Ça, c'est une des clés pour vraiment encourager les personnes à utiliser le mobile money. Mais aussi, il y a aussi le problème d'éducation financière qu'il faut résoudre. Il doit y avoir des sensibilisations pour montrer vraiment les avantages d'avoir, d'utiliser les moyens de PMA électroniques. C'est notamment la réduction des cas de fraude et de criminalité, de vol par exemple. Mais aussi, il y a la sécurité qui est derrière dans les transactions. Il s'observe des cas de vol des légumes de haricots dans le marais de Nyakizima, en commune et province Ngozi. Les propriétaires de champs déplorent que leurs cultures sont endommagées à la fois puisqu'indiquait-il, ces voleurs cueillent systématiquement les feuilles pour les vendre au marché. Certains administratifs des collines environnant ce marais parlent de banditisme dans le champ Apollinaire Mouzagar. Les cultivateurs dans ce marais grognent parce que leurs champs de haricots sont actuellement détruits par ceux qui font la cueillette de légumes de haricots, certains pour les consommer à la maison, d'autres pour les vendre au marché, en cette période de sécheresse qui cause la pénurie de ces légumes. Ce commerce procure beaucoup d'argent à ces voleurs, car selon la population, un petit tas de légumes coûte 500 francs. Il y en a parmi eux, selon toujours les habitants des collines Chamugani, Irusuguti et autres surplombant ce marais de Nyakijima, qui ont acheté des chèvres, habits et autres à base de ces légumes volés. Ces champs ne sont pas seulement endommagés par ces voleurs de légumes. Des chercheurs de fourrage pour le cheptel s'accaparent aussi des boutures de patates douces dans son marc. Les administratifs à la base préviennent que celui qui sera attrapé en flagrant délit sera sanctionné, comme tout voleur d'autres cultures dans les champs. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Dongozi, rendons-nous à Bururi. Certains habitants issus de la communauté des Batois dans la province de Bururi regrettent qu'ils sont plus touchés par la pauvreté suite au manque de terres cultivables. Ils ont évoqué ce problème ce jeudi à Bururi au cours d'une réunion organisée par le deuxième vice-président du Sénat. L'honorable Fabrice Nkurunziza a indiqué que ce problème de terres pour les Batois est connu et promet une solution dans un délai proche. Zeno Zambiman. Ces bateaux de la province de Bururi ont évoqué leurs problèmes liés au manque de terres cultivables en disant que certains n'ont pas aucun repère de terre. C'était ce jeudi à Bururi, au cours d'une réunion organisée par le deuxième vice-président du Sénat burundais. Ces bateaux disent qu'ils sont aujourd'hui dans l'extrême pauvreté et demandent des terres cultivables pour sortir de cette pauvreté et ainsi vivre comme les autres. L'honorable Fabrice Nkurunziza, deuxième vice-président du Sénat burundais, a indiqué que cette question des terres cultivables a été déjà transmise au niveau du ministère et à l'agriculture dans cette attribution par les sénateurs élus dans la circonscription de Bururi. Il leur a rassuré que ce cas est en train d'être étudié. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté un accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement du Burundi et la Russie. Dans son exposé de motifs, le ministre de l'Intérieur a indiqué que cet accord va permettre au Burundi de bénéficier des formations ainsi que du matériel moderne dans le domaine militaire. Selon lui, ces derniers pourront aider le pays à bien se protéger en cas d'invasion et les parlementaires de leur côté ont demandé si cet accord ne va pas entraver les accords que le Burundi avait avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne vu la tension qu'il y a entre la Russie et ces derniers. Le ministre Martin Niteretse tranquillise que cela ne va pas causer de problème. Reportage de Sheila Irambon. Expliquer tout ce qui concerne l'accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement burundais et la Fédération de Russie, c'est ce que le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse était venu faire à l'hémicycle de Kigoé ce vendredi. Dans son exposé de motifs, le ministre Martin Niteretse a expliqué qu'avec cet accord, le Burundi va bénéficier du matériel ainsi que des formations militaires. Selon lui, cela va permettre à l'armée de protéger le pays. En fait, le Burundi et la Russie, nous sommes des pays amis. On collabore dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage. Nous sommes à une étape satisfaisante. Si nous considérons le niveau de développement des autres pays, il faut que nous protégions nos intérêts. Nous disons qu'il ne faut pas attendre que nous ayons un problème pour essayer de trouver une solution. Il faut nous préparer à l'avance en faisant des accords avec les pays frères pour que nous voulons acheter du matériel militaire, nous sachions où nous diriger. Et que les champs d'expérience continuent car on ne se suffit pas. Une des questions sur lesquelles les parlementaires sont revenus est de savoir si cet accord de coopération avec la Russie ne va pas causer de soucis, vu que le Burundi a d'autres accords avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Lorsqu'on fait des accords avec des pays comme la Russie, alors qu'elle est en froid avec les pays de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la gestion des ressources humaines, surtout s'ils viennent pour l'accompagnement militaire, qu'ils se retrouvent les deux côtés ici. Est-ce qu'il ne cause pas de soucis? Des problèmes ne peuvent pas surgir? Le ministre Martin Niteleté a indiqué qu'avec tous ces accords, le pays défend toujours ses intérêts. Brièvement, je peux dire que nous suivons de près la géopolitique internationale, que ce soit tout ce qui se passe dans notre région de l'EAC pour faire savoir notre position. Toujours dans l'objectif de chercher l'intérêt du peuple, car nous considérons du peuple avant tout ce qu'ils ont besoin. Après cette série de questions, cet accord a été adopté par l'Assemblée nationale. Il est prévu que 10 officiers vont être envoyés pour suivre une formation en Russie, toujours dans le cadre de cet accord. Merci à Sheila Irambona pour toutes ces précisions. Pénurie des produits de la Burundi en commune Kabarole de la province Kayanza. Les vendeurs de ce produit disent qu'ils peuvent passer environ 2 semaines sans être approvisionnés. L'administration communale Kabarole confirme les informations fournies par les commerçants de ces produits en cette commune. Sagouye Berkimas fait savoir que la commune qu'il dirige ne possède qu'un seul dépôt de distribution des boissons, mais il tranquillise pourtant que la question a été déjà soumise au ministère du Commerce pour que la commune Kabarole soit dotée d'un autre mini-dépôt, n'est-ce pas Patrick Nsengiyumv? Les habitants de la commune Kabarole contactés au sujet de la pénurie des boissons fabriquées par la Burundi nous ont fait savoir qu'ils trouvaient difficilement ces produits. L'exemple est celui d'une commerçante des boissons de la Burundi au centre Kabasazi à la colline Songolé de la commune Kabarole qui nous a indiqué qu'elle peut passer une période d'une semaine au plus sans être approvisionnée en ces produits. Les consommateurs de ces boissons de leur côté déplorent que quand ils organisent des fêtes dans leur famille, ils trouvent difficilement des boissons à offrir à leurs invités. Que ce soit les vendeurs des boissons fabriquées par la Burundi à Kabarole, de même que les consommateurs de ces produits en cette même localité, tous demandent aux services habilités en matière de la distribution de ces produits en province Kayanza de trouver solution à ce problème. Interrogé à ce propos l'administration communale Kabarole, l'administrateur nous a fait savoir qu'il est au courant de la situation. Sagouye Berkimas indique que la commune qu'il dirige n'a qu'un seul grossiste des boissons de la Burundi et qu'il est difficile qu'il approvisionne toute la commune en ces produits, une commune qui s'est Loli est composé de 3 zones et 37 collines. Il tranquillise pourtant que la question de la pénurie des boissons en commune Kabarole a été déjà soumise au ministère en charge du commerce pour que Kabarole soit doté d'au moins un autre mini-dépôt des boissons de la Burundi et d'y espérer que la question trouvera solution les jours à venir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. L'Union européenne et le Burundi partageons les valeurs qui nous rapprochent. La représentation de l'Union européenne au Burundi, en collaboration avec le réseau des femmes de l'équipe Europe, appelle les jeunes étudiants de l'Université des Grands Lacs de Makamba de monter leur projet de développement avant de terminer leurs études. Certains de ces étudiants prennent en compte cet appel, mais indiquent qu'ils se heurtent au manque de moyens financiers. C'est ce qui ressort de l'atelier d'échange entre ces étudiants avec les femmes du réseau Femmes Europe, tenu au chef-lieu de la province Makamba ce jeudi, à la quatrième journée de la caravane Burundi-Union européenne qui se déroule à l'intérieur du pays. Les détails avec Évariste Zikobanyang. Les étudiants de l'Université Grand Lac de Makamba prennent en compte l'appel de monter des projets de développement à exécuter une fois terminées leurs recherches scientifiques. Ces derniers se heurtent cependant sur un manque de moyens, disant qu'ils proviennent de familles à maigres moyens. Mokiza Fabrice a l'ambition de faire de la pisciculture des abeilles, mais il n'a pas où tirer les moyens financiers. Mon ambition est de faire la pisciculture moderne des abeilles. Je me suis ressourcé chez les anciens pisciculteurs et j'ai constaté que son métier peut me faire vivre, vu l'argent que coûte le miel sur le marché. Même son métier m'a intéressé, je ne trouve pas où tirer des moyens financiers pour entamer ce projet. Vu que le gouvernement n'embauche pas ces derniers jours, ceux qui terminent les études de l'Université Grand Lac de Makamba prévoit des études entrepreneuriales aux étudiants pour que personne n'erre dans la rue une fois terminées les études. Dieudonné Sabimbona, professeur à l'Université Grand Lac de Makamba, lance un appel vibrant à ceux qui ne comprennent pas la situation du moment. Ces groupes de gens existent vraiment, vous voyez, partout dans les villes, sur les Lingala. Il y a des jeunes qui s'assoient là-bas, qui circulent là-bas, qui ne font rien. Donc, je peux dire à eux de se préparer à penser à quelque chose, à une activité qui peut générer des moyens financiers pour préparer l'avenir, raison pour laquelle le temps perdu ne reviendra jamais. Même son de cloche avec les femmes réunies au sein du réseau Femmes Europe, appuyé par la représentation de l'Union européenne au Burundi. Ange Muyubira est membre de ce réseau. La visite de l'Université de Makamba a été effectuée justement parce que dans les constats que nous voyons en tant qu'employeurs, nous avons des jeunes qui viennent nous demander soit des stages ou bien qui viennent postuler, bien même à travers les interactions que nous avons avec les jeunes, nous nous rendons compte qu'il y a un blocage, en tout cas qu'il y a un pont qui manque entre le côté académique, les études et le niveau professionnel auquel les étudiants justement doivent aller. Ce jeudi, la caravane Burundi-Union européenne était en sa quatrième journée en province Makamba et les thématiques comportaient sur l'échange sur la protection et l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes. Depuis Makamba, Evariste Nzikomanyanga, Radio Isanganiro. Et c'est par cet élément que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean de Dieu et la causée. Au revoir.